Audiomatique. passer sur la musique du projet Wombscott que s'ouvrait cette transmission 109 d'Audiomatique. Nous entendions la Distant Vocal Version de la pièce Thorns qui se retrouve sur l'album Born Again paru en 1997. Audiomatique prend tout son sens lorsque le moment présent peut faire tout chavirer de par sa nature imprévisible. Ici sur les ondes hertziennes codées 89,1 sur la bande FM, tous les mercredis entre la 17e et la 18e heure, Audiomatique prend véritablement vie, seconde après seconde, grâce à la volonté des électronistes qui sont alors en proie aux impondérables du direct. Passé cette 18e heure, Audiomatique continue parfois d'exister dans le souvenir et quelquefois dans le fantasme. Puis, après que la technologie ait extrait de l'immédiat cet intervalle, Audiomatique se retrouve à jamais gravé dans la virtualité dans des espaces comme facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Mais malgré que la réalité passée d'Audiomatique ne puisse plus être présentée dans la spontanéité du direct, elle peut demeurer inattendue si elle est vécue pour la première fois par l'auditeur. L'origine des choses et des êtres n'a alors plus d'importance puisque c'est la virginité des perceptions qui dicte la pureté du moment et Audiomatique ne fait pas exception à la règle. Thank you. is the cutting of vodka, which came here with blood so dried. I feel the light a day that turns in grey, overgrowing all my helplessness, but shadows will stay. Leave it up to me to sleep somehow. The anger that I feel must leave somehow. Totally naked, he can't feel a thing, so he must fake it. In a room full of enemies who pass more lines to fill his knees. Standing at the edge of the road, he could stop in front or lay below him. The only thing he knows is a battery of painful walls. Here's one for now. Le groupe américain Lal Meri, formé de Nancy Kay, Irish Lal et Carmen Rizzo, mettait un terme à cette séquence musicale audiomatique avec la chanson Dreams of 18 de leur album homonyme. Précédemment à Lal Meri, le duo allemand Wolfsheim nous présentait la pièce Sleep Somehow, tirée de leur quatrième album studio intitulé Spectators et paru en 1999. Et pour débuter, il s'agissait du projet OVNAX du japonais Isao Sano et sa composition Whacking Away de Kichigai Dub. Audiomatique dans tout son éclectisme se poursuit maintenant avec la pièce Carving Song tirée du tout nouvel album de la formation Controlled Bleeding. We'll be right back. Avant la déchirure publicitaire, le projet Merzbow nous offrait son interprétation bien personnelle de la musique du célèbre jazzman Sun Ra à travers la pièce Granular Jazz Part 4, qui fait partie de la version vinyle de l'album Strange City sorti tout récemment. Le concept de cet album est d'utiliser des échantillons d'enregistrement tirés de deux œuvres de Sun Ra, soit Strange Strings et The Magic City, puis de traiter ces échantillons dans la perspective bruitiste de Merzbow. Sachez aussi que l'album Strange City s'étale sur deux médiums, soit le CD et le vinyle, et que la musique que l'on retrouve sur chacun des deux supports est différente. Et nous débutions cette séquence de deux pièces avec la formation Control Bleeding, de qui nous entendions Carving Song tiré de son tout nouvel album Larva Lumps and Baby Bumps. Audiomatique avec les électronistes se poursuit à l'instant avec The Yage. Vous avez peut-être reconnu la célèbre pièce Bela Lugosi's Dead, originalement interprétée par le groupe britannique Bauhaus et reprise ici de belle façon par le groupe français Nouvelle Vague, qui se spécialise dans la réinterprétation personnalisée de pièces tirées principalement des mouvements New Wave, Post-Punk, Synth-Pop, Cold Wave et Gothic. Leur reprise de Bela Lugosi's Dead est disponible sur leur deuxième album Bande à part. Et le projet américain The Yage avait donné le coup d'envoi à ce segment musical avec sa composition Some Birds Die de son album Love is the Weapon. La transmission 109 d'Audiomatic s'achève sur la musique de la formation Synesthesia, qui regroupe les prolifiques artistes canadiens Bill Leeb et Rhys Fulber. Ils offrent cette fois-ci une musique trance ambiante avec leur projet Synesthesia. Nous entendrons dans quelques instants la pièce Subversion de l'album double Desideratum, paru en 1995. Les électronistes vous remercient sincèrement de l'attention que vous avez portée à leurs suggestions musicales. Vous pouvez consulter auditivement toutes les anciennes transmissions d'Audiomatic en vous rendant sur facebook.com/audiomatic-cfou et sur mixcloud.com/audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter notre transmission 110. Mais d'ici là, voici Synesthesia et la pièce Subversion. Bonne écoute et bonne semaine.